Et je trouve mon inspi sous fumée de la peuf. Tu vois, en vert, il fait tout gris devant l'OPJ, c'est le poker, rien que ça bluff. Fils de procédure, short, j'ai rien compris. Frérot, t'as tourné pour moi, tu te rappelles. Que Dieu me foudroie si j'oublie, de toute façon, moi j'étais présent toute la peine. Dès que tu sors, on va doubler. Allez, suis-moi, on va chercher la paye. Viens, on va rabattre, elle m'a pas plus la veille. Jamais en messagerie quand j'éteins ne m'appelle. Je me rends pas compte, j'ai déjà fini la veille. Survois devant moi, je sais pas choisir laquelle. Je suis rentré calibré, c'était pas comme la veille. J'ai mon destin dans les mains. T'inquiète, je ferai mieux demain. Non, non, non, non. Je sais que je me mens à moi-même. Fonce dès je me mets à remède. Où je peux avoir le meilleur des mains. Donc je monte à Meuda. Si je bouge pas, j'aurai que dalle. Je pose mes couilles sur la pleuta. Sache qu'on n'y va pas pour bêtard. J'oublie pas qu'on part de rien. Donc quand ça va pas, je tape des barres de rire. J'ai mon choix, c'est que je suis pas serein. Donc je vais tout planquer à la garderie. Et je sais pas ce qu'ils me veulent. Peut-être que je leur fasse peur au désert, jiggle. Eux ils bandent sur des mafieux, nous à part si on n'a pas d'idole. J'suis plein de soucis, j'ai pas mis d'or. Frérot, j'vends la mort, ça m'écœure. Et j'passerai m'occuper de son corps. Quand j'aurai fini dans le secteur. Mais j'suis qu'un bâtard, t'as pas tort. Elle connaît mes disquettes par cœur. Pour faire de l'argent, y'a pas d'heure. Donc j'suis tout le temps dehors, c'est hardcore. Et j'ai pas pris le temps de faire attention au mien. T'étais malhonnête, j'ai dû couper les liens. Non, je ne regretterai pas quand résonnera le bélier. Le juge et la propre ne sont que des terriens. Y'a de la place sur le terrain, donc je vais accélérer. Quitte à me faire péter ou à me casser les reins. Pour le futur, je suis serein. T'inquiète, je ferai mieux demain. Non, non, non, non. Je sais que je me mens à moi-même. Fonce dès je me mets à remède. Où je peux avoir le meilleur des mains. Donc je monte à Meuda. Si je bouge pas, j'aurai que dalle. Je pose mes couilles sur la pleuta. Sache qu'on n'y va pas pour bêta. J'sais qu'après la pluie, y'a le beau temps. Dans la MG, j'essaye tous les boutons. Depuis petit, moi j'ai choisi mon camp. Et j'ai décidé de ne pas être un mouton. Mais les envieux, je sais qu'ils attendent ma perte. Ou bien que je perde la tête. Mais je crois en Dieu, des frères j'en ai pas sept. Hygiène de vie malsaine, regarde mes yeux. Ouais, y'a trop de choses qui nous séparent. Déjà je sucerai pas pour ces perles. Cœur de ma mère, faut que je le répare. Je m'éloigne de Dieu, je perds mes repères. Soir ce j'ai la haine fera un main, je réveille tout le Tchéka. Ramène la montée, oh ouais, j'aime trop l'adrénaline. Me sors pas en boîte, j'ai le sang chaud, non, je suis pas fêtard. Je me sens comme un gardien qui arrête une frappe sur la ligne. Je vois les petits UTX qui prennent la ligne. Moi, un joint de coffee et je suis sur la lune. J'ai besoin d'affection, Malias me câline. Gros, y'a ceux qui t'arrangent, ceux qui t'allument. Je peux fournir deux, trois trucs, de quoi te relaxer si t'as le trac. Tout dans les yeux qui est pas dans le huc, même quand je croise patrouille de la bac. Et je sais toujours pas quand je vais arrêter ça. Car les tubes m'ont juré de venir me tester. Ils peuvent se mettre dans le cul, leur putain DSA. Je suis au milieu du check et j'ouvre un réseau.